que tes yeux ne la voient pas. Pense en ton âme qu'elle est là, comme autrefois divine et blanche. Sur ce bord repose ses mains, sa tête est entre ses jasmins. Là, ses pieds effleurent les branches. Elle sommeille en ses rameaux, ses lèvres et ses yeux sont clos, et sa bouche à peine respire. Parfois, la nuit, dans un éclair, elle apparaît.